35. La guerre au public. Lu par David. La guerre au public. Brianna est une adolescente à problème. Accusée par l'industrie du disque d'avoir utilisé les réseaux d'échange gratuits de musique peer-to-peer, l'adolescente américaine de 12 ans a été la cible d'une plainte en justice en septembre 2003. La RIAA, qui représente les majors aux États-Unis, a décidé de pourchasser pour l'exemple plusieurs dizaines de ces copieurs qui se servent via l'Internet, et chacun d'entre eux risque plusieurs milliers de dollars d'amende pour violation du copyright. Pour la mère de Brianna, Sylvia Torres, le choc est rude. L'histoire de sa fille fait la une de la presse et les journalistes se bousculent devant sa porte à New York. Après quelques heures de suspense, elle finit par céder et accepte l'arrangement proposé par les maisons de disques, le versement de 2 000 $ contre le retrait de la plainte. En 1770, c'est un père qui se trouve confronté aux pulsions musicales de son enfant. Le jeune Wolfgang Amadeus Mozart, alors âgé de 14 ans, vient d'assister à une exécution du Miserere d'Allegri en la chapelle Sixtine à Rome. Une chance et un honneur, car il s'agit du seul endroit où l'on peut goûter les notes de cette œuvre magistrale, dont les droits d'exécution et de diffusion sont strictement réservés à ce lieu saint. Mais Wolfgang n'a pu résister, comme l'atteste une lettre de son père Léopold à sa femme. Tu as peut-être déjà entendu parler du célèbre Miserere de Rome, tellement estimé que les musiciens de la chapelle ont l'interdiction, sous peine d'excommunication, de sortir la moindre partie de ce morceau, de le copier ou de le communiquer à quiconque. Eh bien, nous l'avons déjà. Wolfgang l'a écrit de tête. Comme c'est un des secrets de Rome, nous ne voulons pas le confier à des mains étrangères pour ne pas encourir, directement ou indirectement, la censure de l'Église. À quelques 2 siècles d'écart, Brianna et Wolfgang ont commis le même sacrilège. Ils ont dérogé aux règles de la propriété intellectuelle, l'une usant des moyens modernes de duplication numérique, l'autre jouant de sa prodigieuse faculté à graver les notes dans sa mémoire. Wolfgang et Brianna, deux chapardeurs de mélodie, incapables de se réfréner alors même qu'ils savaient leur geste illégal. Les bien-pensants rétorqueront qu'il est insupportable de comparer Mozart et cette adolescente. Mais de cela, le droit d'auteur se moque. Il s'applique indifféremment à Lori et au Requiem, et s'impose tout à la fois à l'internaute lambda et à Boulez. Le droit d'auteur ne s'intéresse pas à la qualité, pas plus à celle de l'œuvre protégée qu'à celle de l'auditeur. Pas de passe-droit pour les génies. Brianna et Mozart sont deux auditeurs face à la loi, rien de plus. Et le parallèle entre nos deux fans ne s'arrête pas là, car une fois leur forfanterie réalisée, ni l'un ni l'autre ne se sont contentés de garder pour eux leur copie interdite. Mozart a copié de mémoire la partition du Miserere pour la disséquer et la jouer, ce dont son père Léopold se réjouit déjà dans sa lettre. Brianna a probablement gravé certains fichiers MP3 téléchargés depuis le réseau pour les faire découvrir à quelques amis.